Après l'ignoble assassinat du camarade Marien Gwabi, près de 2 ans après cet événement, il était normal que notre parti retrouve son organisation, les principes de sa lutte, que notre parti vive suivant les principes de son action. Il était normal que la vie démocratique, que le centralisme démocratique revive dans le parti. Il était aussi normal que la vie démocratique revienne dans le peuple, que les organisations démocratiques du peuple, les pouvoirs populaires locaux, l'Assemblée populaire. Et nous pensons qu'il n'y a pas meilleure manière d'immortaliser le camarade Marien Gwabi que de suivre ses directives telles qu'elles ont été données à la veille de sa mort, au moment où nous préparions sous sa direction le 3e congrès extraordinaire de notre parti. Et quelques jours après cette intervention du président Denis Sassou Nguesso, son ministre des Affaires étrangères, Théophile Obenga, se fait plus précis encore dans l'analyse du parti, sa philosophie et son organisation.